Alors aujourd'hui, nous sommes avec Georges qui est venu nous parler d'un rassemblement qui aura lieu le vendredi 7 juin à Remiremont. Georges, bonjour, explique-nous tout. Bonjour. Voilà, je vais expliquer en lisant l'appel qui a été lancé par le mouvement Nous voulons des coquelicots en septembre 2018. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans le lait des mers, dans les pommes et dans les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Nous ne voulons plus de discours, nous voulons des actes. Alors, vendredi 7 juin, à Remiremont, place de l'Abbaye, devant la mairie, venez nombreux pour soutenir et exiger l'interdiction des pesticides et autres produits biocides de synthèse. Merci à tous. Merci Georges.